La communauté internationale et les différents milieux sud-coréens exaltent vivement la vie sacrée et les exploits de Madame Kim Jong-suk, héroïne anti-japonaise. Les personnalités progressistes du monde, notamment le premier vice-président du comité cubain pour la réunification de la Corée et la directrice du jardin d'enfants Kim Jong-suk de Mongolie, ont dit que l'histoire glorieuse de la lutte invincible de la République populaire démocratique de Corée est empreinte des exploits immortels de Madame Kim Jong-suk, qui est militante révolutionnaire infiniment fidèle à son leader. Le bulletin du comité national guinéen d'études du kimilsonisme et kimjongisme, Léon Page Internet du forum allemand anti-impérialiste, de l'association d'amitié avec la Corée Sejong en Espagne, du comité national d'études des études du Congo démocratique et du comité national nigérien d'études du kimilsonisme et kimjongisme ont noté que Madame Kim Jong-suk a créé l'exemplaire de la défense à outrance du leader et assuré fermement la continuation de la cause révolutionnaire du Tse et que, bien que sa vie soit courte, elle était noble et brillante. Li Hae-jung, professeur de l'Association de la science des femmes et membre du cercle de musique Mire, la revue Mâle et autres habitants et presse sud-coréens ont exalté la vie révolutionnaire sacrée de Madame Kim Jong-suk, qui a consacré tout pour le président Kim Il-sung jusqu'au dernier moment de sa vie.